Et donc, on écoute la dernière partie de Bandung du Nord pour une internationale décoloniale. Ça se passait tout un week-end. C'était vendredi soir, samedi, dimanche. Pour le samedi, guerre permanente ou paix révolutionnaire, ça c'est le dimanche. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez approfondir, aller plus loin, comprendre tout ce qui se joue, de faire une petite recherche. Bandung du Nord, guerre permanente ou paix révolutionnaire. Bruxelles, Panthère, ça marchera peut-être mieux aussi. Micro ouvert. Et donc c'est une citation, en écho, entre guillemets, à l'intervention d'Olivier Marbeuf, guerre à l'antiracisme politique. La voici, nous sommes moins nombreux, nos mots sont en désordre. Une partie de nos paroles, l'ennemi les a tordues jusqu'à les rendre méconnaissables. Merci Milady, merci à tous. D'abord, ça fait plaisir de voir une salle où il y a du monde, et on se le disait aussi avec Bourriat, c'est aussi plaisir de voir des lieux où on peut se rassembler. Nous qui sommes plutôt basés à Paris, on éprouve des grandes difficultés depuis la fermeture de la colonie à se retrouver. Et ce n'est pas un détail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre faite à nos possibilités de nous retrouver, y compris d'avoir des espaces dans lesquels on peut ne pas être d'accord, mais justement d'avoir ce confort-là minimum pour pouvoir faire notre travail. Et donc la question de la guerre à l'antiracisme politique, elle est intéressante parce que je trouve qu'elle traverse un peu c'est un peu une méta-question en quelque sorte, qu'elle traverse beaucoup de choses qu'on a évoquées déjà et qu'on a très bien évoquées et sur lesquelles je passerai assez rapidement. Mais je dirais que, on a cette problématique raciste qui est là, et comme Véronique l'a souligné, qui a des forces multiples, qui a des particularités, à savoir comment nous, de ces particularités, on crée un tissage. Moi, comme je suis caraïbéen, je suis soucieux de cette question de savoir comment on tisse des particularités pour créer un motif qui serait le nôtre et qui n'est pas un motif subi mais agi, parce qu'on a de l'invention à produire. Et donc l'antiracisme politique, c'est aussi une certaine manière de nous ressaisir de notre manière de considérer l'antiracisme. Comment se produit la guerre d'antiracisme? On va dire que c'est une espèce de guerre à front multiple, depuis au moins les années 80, on va subir vraiment des formes d'antiracisme qui nous éloignent en fait de la problématique politique de l'antiracisme. Et notamment ce qu'on appelle couramment un antiracisme moral, c'est-à-dire un antiracisme dont l'objectif, et vous allez le comprendre, serait plutôt de se dire il faut qu'on éduque des personnes qui ont des préjugés, des gens qui ne pensent pas bien, qui sont des beaufs, qui ont des mauvaises idées, il faut qu'on redresse leur manière de penser, parce qu'ils ne connaissent pas d'autres cultures, il faut qu'ils découvrent notre culture, il faut qu'on offre notre culture, il faut que chacun qu'on performe, le monde arabe, le monde caribéen, il faut qu'on leur montre, et puis après ils vont devenir plus ouverts, et ça va aller. Donc ça c'est la version, et franchement ça, c'est une version qui est quand même assez populaire, et qui a donc des variations, qui arrive jusqu'à nous. On va dire que dans les 80, il y a une nécessité de faire quand même passer la pilule de la destruction du monde ouvrier dans ses constituantes principales, c'est-à-dire la disparition des sites de lutte populaire que sont les lieux de travail, quoi, notamment les usines. Et donc l'effondrement industriel va avec l'apparition de ce contre-feu qui dit « regardez pas ici, mais regardez là ». Et dès ce moment-là se passe un mouvement qui, pour moi, est très important à noter, c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, culturaliser le racisme. C'est-à-dire que c'est juste une problématique culturelle. Et comme a dit Ramon, quand on dit une problématique civilisationnelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle intègre, en fait, l'économie. Et il a raison de dire que le capitalisme n'est pas au-dessus de la civilisation, il est à l'intérieur, mais par contre, une réflexion, antiraciste culturelle est en dessous de l'économie. Rate en fait l'enjeu fondamental du racisme dans le capitalisme. Le racisme a une fonction, en fait, en général, donner moins de droits, de reconnaissance, de possibilités à une partie du vivant, c'est pour l'exploiter, l'extraire, l'épuiser. Et effectivement, des corps minoritaires font partie de ces matières premières dont on peut user. En une certaine mesure, le capitalisme occidental traite une partie des humains comme des matières premières. Donc finalement, en produisant cette séparation entre les humains et les non-humains, du côté non-humain, il y a beaucoup de gens qui sont des humains, quoi, qui sont donc mis du côté de ces matières premières. Est-ce qu'il devrait nous faire réfléchir à une perspective très particulière sur l'écologie ? Puisque plus qu'on est projeté dans le monde non-humain, pour quelle raison on aurait envie de revenir dans le monde dit humain, qui est un monde qui déshumanise ? Donc moi, je pense que le vrai antiracisme politique, déjà, il n'a pas le désir, en fait, de revenir sur une scène de représentation qu'il n'a pas construite. Et ça, c'est vraiment, moi, ce que je vais appeler l'antiracisme libéral ou néolibéral. C'est-à-dire, c'est la deuxième erreur, dans mon point de vue, c'est la question des politiques de représentation. Parce que vouloir être représenté sur une scène qui déshumanise, ça veut dire que, quelque part, on donne à cette scène une certaine forme de valeur. C'est-à-dire qu'on dit « reconnaissez-vous ». Mais à qui on demande de nous reconnaître ? À qui on demande de nous reconnaître ? À des gens qui nous ont déshumanisés. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît une humanité et on est censé les rejoindre à un endroit où seraient les humains. Mais ce n'est pas le cas. Personne n'est humain dans cette histoire. Ceux qui ont été déshumanisés ou ceux qui déshumanisent, personne n'y est arrivé. Pour moi, le vrai antiracisme politique pose déjà le fait que personne n'est humain dans cette histoire. Tout le monde est perdant. Et qu'il va falloir devenir humain. Et certains, comme Ramon l'a souligné, des sociétés à côté de cette trame moderne capitaliste, ont été plus humains que d'autres, et c'est eux qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut piocher des possibilités. C'est là que je trouve sont les manques de nos luttes en Europe, qui, en se battant d'un système fondé par la modernité occidentale, auquel on appartient tous, qu'on soit européens, entre guillemets, de longue date, ou des afropéens, on appartient tous à une trame qui ne fait que regarder l'Europe comme référence, en bien comme en mal. Et on perd du temps à ne pas regarder ce qui a été élaboré dans l'espace caraïbe, dans l'espace africain, dans l'espace asiatique, dans l'espace d'Amérique du Sud. Nos ressources sont quelque part des ressources qui sont contaminées par notre obsession pour l'Europe. Et ça, c'est détourner notre regard et s'inspirer d'autres formes de vie, en faire les récits, remettre ça dans notre commun pour imaginer notre antiracisme est important. C'est quoi l'antiracisme politique dans cette affaire ? C'est donc pas l'antiracisme moral, croire qu'il va falloir redresser des mauvaises personnes en les cultivant un peu plus, ça c'est leur problème. Croire aussi qu'il s'agit d'être plus représenté. Moi je tiens à dire que c'est extrêmement logique et tout à fait légitime pour des populations qui ont été intériorisées, maltraitées. Véronique a donné quelques exemples. Traités vraiment comme des animaux, de vouloir retrouver sa dignité. Cette dynamique-là me semble complètement légitime, mais elle comprend un piège. Et moi, le fait qu'elle comprenne un piège n'invalide pas le désir. Moi, je comprends totalement, au niveau des communautés afrodescendantes, ce désir de dire « on veut se faire respecter, on est des personnes, mais aux yeux de qui ?» C'est ça la question. Parce que moi, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à produire des régimes de valeurs, qu'on s'attribue nous-mêmes. On veut se respecter entre nous, déjà. Entre les gens qui sont ici. On veut se respecter entre nous. Pour moi, c'est plus important que de me faire respecter par un commissaire de police. Et pourtant, c'est vital qu'à un moment donné, non pas il me respecte, mais peut-être qu'il me craigne. Ou peut-être que la société me respecte suffisamment pour que lui ne puisse pas faire ce qu'il veut de mon corps et en faire non seulement, comme tu le dis, une matière fongible, mais deuxième aspect extrêmement important, et c'est là que se pose la critique des politiques de présentation, c'est une matière première, mais c'est aussi une matière à spectacle. La police utilise nos corps pour produire un spectacle de justice qui n'est pas la justice. Une image de justice qui n'est pas la justice. Une image de démocratie qui n'est pas la démocratie. On est des corps non consentants d'une performance spectaculaire. Et donc, la question d'un désir de visibilité est un piège parce que cette scène de visibilité, c'est l'économie capitaliste contemporaine. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement de l'économie industrielle, qu'est-ce qui reste à l'Europe et à l'Occident ? Il reste les économies cognitives, on va dire, du savoir, et les économies spectaculaires. Qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui le business en Europe ? C'est plus tellement les industries, parce qu'on est en train de voler les ressources des autres et le travail des autres. Mais qu'est-ce qu'on produit ici ? Nous, notre production en tant que population occidentale, est liée à la question du médiatique et du spectaculaire. Et on est encore une fois les matières premières de ça. Effectivement, le corps noir, les corps arabes, tout ça servent à nourrir une économie du spectacle. Donc demander à dire, on veut être là, on veut être présent, on veut qu'on nous voit, on veut compter combien il y a de comédiens noirs dans ça, on veut... Mais en tout cas, au nom d'une économie qu'on ne maîtrise pas, dès lors qu'on n'a pas un espace où les ressources qu'on en tire nous reviennent, eh ben, on est encore en train d'être la matière première d'une économie extractive. Et le spectacle contemporain et les médias contemporains, c'est ça. Donc pour moi, en fait, un antiracisme politique qu'il va falloir travailler et retravailler sans cesse. Il ne s'agit pas en fait de quelque chose qui est stable, puisqu'en face de nous, on a compris que les scènes qui s'opposent à nous sont très plastiques, fluides, s'adaptent. Tiens, il y a un petit espace entre les Arabes et les Noirs, bim, on va mettre le paquet là. Oh, il y a un petit truc entre, on y va. Moi qui viens des Antilles, où les musulmans sont quand même assez minoritaires chez les Noirs, bon, le catholicisme, vas-y, on va mettre à fond. L'évangélisme fonctionne à fond les ballons. Donc, c'est un système qui a tout un ensemble de variations pour séparer les gens et séparer les indigènes. Ça ne veut pas dire qu'on va se rassembler comme une grande famille, on n'est pas chez Benetton. Mais on va devoir réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on oppose à cette capacité sans cesse renouvelée de prendre dans nos différences et dans les questions qu'on se pose des outils contre nous-mêmes. Comment on en fait, en tout cas, des modes de réflexion pour nous. Et donc, dans cet antiracisme politique, qu'est-ce qu'il aperçoit ? Il aperçoit, en fait, la question des structures racistes. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne dit pas « Oh là, ce mec, il s'est mal comporté, vas-y, on va faire un call-out, etc. » Pour moi, ce mec, il se comporte mal parce qu'il peut se comporter mal. Parce que l'espace politique a été construit autour de lui, il peut se comporter mal. Moi, je suis producteur de cinéma. Quand je me retrouve au Centre National du Cinéma dans une espèce de formation contre le harcèlement sexuel, moi, je dis à la formatrice, l'infrastructure du cinéma français, fondamentalement, favorise le harcèlement sexuel. Donc il ne s'agit pas de nous rééduquer un par un, il s'agit de regarder, en fait, que l'infrastructure tire profondément son économie du harcèlement, comme du racisme, comme du sexisme, etc. Et donc, attaquer au niveau structurel, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas avoir le désir d'avoir des rois et des reines noires. C'est le problème du royaume, ce n'est pas le problème de la couleur du roi. Et donc là, on doit se poser ces questions en ces termes-là. Nous, ce qu'on doit avoir comme désir, c'est de dire, par le racisme, par ce qu'on a subi, par le savoir particulier qu'on a dans nos vies quotidiennes, on comprend, en fait, quelque chose du système que d'autres, peut-être, ne voient pas. Mais ce système-là ne concerne pas que nous, on vit tous dans ce système-là. Mais moi, je revendique, et je pense que l'antiracisme politique doit revendiquer sa capacité à voir ce que d'autres ne voient pas. Par le biais du racisme, on voit quelque chose qui, au niveau infrastructure, montre que notre société dépend structurellement, intimement du racisme. On a besoin. Donc ce n'est pas un mauvais penchant, ce n'est pas une problématique morale, c'est un élément dont la société dans laquelle on vit a besoin. Donc ça veut dire qu'avec le racisme, quand tu tires le fil, tout vient avec. Tout vient avec. Et effectivement, on ne peut pas se retrouver à nous proposer des solutions féministe qui ne soit pas antiraciste politique. C'est absolument pas satisfaisant, c'est ce qu'on est en train de nous proposer en ce moment. Puis ils mettent le paquet, quoi. Dans le secteur de la culture, on ne peut pas que nous le proposer, on nous l'impose. Et c'est vrai que là, sans se rendre compte, de se dire, oui, mais tant que vous ne réfléchissez pas à l'infrastructure dans laquelle on est et qui favorise le racisme, qui en a besoin, on pourra changer les opérateurs de ce système-là, ça ne changera pas grand-chose. Et j'en prends pour preuve un pays dans lequel ça s'est déjà déroulé, et pour le coup, on l'a beaucoup regardé avec les yeux de l'amour dans certains antiracistes, il faut aussi le regarder avec ce qui nous apprend. Aux États-Unis, l'émergence d'une classe moyenne et d'une bourgeoisie noire est franchement pas favorable aux noirs pauvres, nous oblige à réfléchir à nos outils de critique. Si tu regardes une scène où s'installe une grande bourgeoisie noire qui n'est pas favorable aux noirs pauvres, quand Barack Obama dit, et ce truc-là n'a pas été cité et répété, dit par rapport aux violences policières, je pense que l'homme noir africain-américain doit savoir où est son fils, alors il genre, il racise, il genre, il dit où est son fils le soir s'il ne veut pas avoir de problème, ça veut dire que lui-même remet sur le dos du père noir et du fils noir le risque du fils noir de mourir sous les balles de la police. C'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, Trump n'aurait pas dit mieux, quoi. Mais c'est pas un hasard, parce que dès lors que lui ne s'attaque pas à l'infrastructure raciste, il reste plus que des questions d'auto-éducation communautaire, quoi. Attention, nous les Noirs, on doit apprendre à se protéger. Se protéger de quoi ? L'État te tue et tu dois pas te protéger de l'État, tu dois changer l'État. Tu dois pas dire, excuse-moi, là, à terre 6, je dis à mon fils, à quelle heure tu rentres, parce qu'il y a des policiers dans le quartier, quoi. Non, mais là, c'est notre police, quoi. Si c'est pas notre police, ça doit changer. Et ça va pas changer parce qu'on va mettre des flics noirs. Moi qui ai fait mon parcours en Seine-Saint-Denis, Malheureusement, je peux vous dire que l'ethnie noire et l'ethnie arabe, on les voit venir comme les autres. Ils te tutoient pas moins, même un peu plus, tu vois. Et ils se disent, bon, désolé, mais quand même, je fais le même boulot que les autres, parce qu'ils sont pris dans une trame raciste à laquelle ils ne peuvent rien, en fait. Parce que leurs collègues les regardent, et beaucoup de flics ont témoigné. Ils disent, ben, dans un commissariat en Seine-Saint-Denis, quand t'es les Noirs, les Arabes, tes collègues, ils te regardent du coin de l'œil, en disant, tu le fais le job ou tu le fais pas le job, quoi. Et c'est ce qui nous arrive quand on rentre en tant que racisé minoritaire dans n'importe quelle institution raciste, en France, en Belgique ou ailleurs, il y a la volonté de bien faire. Donc t'es à peu près sûr que quand t'as un opérateur raciste dans l'institution, tu vas avoir quelques soucis parce qu'il ou elle voudra bien faire le job. Sous quel œil? Sous l'œil blanc. Et là, il faut qu'on se sorte de cet œil-là qui nous regarde et qui nous oblige. Il faut qu'on apprenne à se protéger, mais aussi à considérer qu'on ne devrait pas avoir à se protéger. Les deux. À court terme, il faut qu'on se protège, parce que sinon, on va continuer à se faire massacrer. Et il faut qu'on apprenne à se protéger et à riposter. Mais il faut qu'on ait en tête que ça ne peut pas être une solution de se protéger. Il faut qu'on n'ait pas à se protéger. On vit dans un pays, on vit dans un pays, quoi. Donc voilà, je voulais dire qu'il y a quelque chose qui est pernicieux parce que je pense que le désir de représentation, d'existence, de vie, de dignité des non-blancs dans nos pays est absolument, absolument central et nécessaire. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas y voir, en fait, un endroit dans lequel le capitalisme contemporain se jette. Et je crois qu'en fait, notamment pour ceux d'entre nous qui travaillons dans le secteur de la culture, de l'art, du cinéma, il y a une évidence d'une économie capitaliste basée sur les minorités qu'on doit essayer de défaire avec un antiracisme politique. Merci. Merci. Je suis désolée, je n'ai pas pu entendre vos interventions de ce matin, donc je ne pourrais pas y répondre ou je ne pourrais pas les citer. Je suis désolée, pourtant, c'était pas mon fait. On m'a demandé de parler de la guerre contre les femmes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile de suivre. Parce que qu'est-ce qu'on appelle les femmes déjà? Des féministes françaises proposent que c'est une classe, que les femmes sont une classe. Je ne pense pas que les femmes soient une classe. Et quand on dit les femmes, évidemment qu'on parle de situations extrêmement différentes. Mais quand on parle de la guerre contre les femmes, la guerre faite aux femmes, aujourd'hui, nous qui sommes, si nous en parlons en tant qu'anti-impérialistes, anti-racistes et anti-capitalistes, de quoi parlons-nous? Parce que la guerre contre les femmes, il n'y a rien de nouveau, si je veux dire, en ce 21e siècle. Parce que les multiples oppressions contre les femmes, elles ne sont pas du tout nouvelles. L'esclavage a été une guerre contre les femmes noires. En les transformant en objets sexuels et de reproduction. Mais en même temps, les traitant aussi durement que les hommes pour les tortures ou pour les travaux. Elles étaient assignées aux travaux les plus durs dans les plantations et les tortures, les punitions contre elles étaient aussi dures. Il n'y avait pas de genre, il n'y avait pas de différence de genre. Alors que la femme blanche, contrairement à ce moment-là, était construite comme faible, fragile, ayant besoin de soins, de protection. Et ça se poursuit évidemment avec la colonisation et avec l'interdiction de faire famille, de faire communauté, d'être mère même. Donc la question de la maternité ne se posera pas de la même manière pour les femmes blanches et les femmes non blanches. Donc tout ça, l'exploitation par le capitalisme, le colonialisme, l'impérialisme n'est pas nouvelle et à laquelle s'ajoutent les oppressions patriarcales. Mais qu'est-ce qui quand même est nouveau? Parce que l'impérialisme, il cherche toujours, c'est quand même, bon, l'état du capitalisme a toujours séparé les femmes des combats de leur communauté, a nié les combats qu'elles ont initiés, et qu'elles mêlent, et à les voir comme toujours victimes de traditions conservatrices, et à faire de l'occidentalisation l'objectif séduisant et attractif, n'est-ce pas ? Mais en même temps, je me dis que nous avons quand même besoin de renouveler nos outils d'analyse aujourd'hui, parce que les situations ne sont quand même pas tout à fait les mêmes, même que, je dirais, qu'il y a 20 ans. Alors, je voudrais proposer quelques points qui seraient des points d'analyse de cette guerre qui serait faite contre les femmes. Alors d'abord, il y aurait, je ne liste pas dans un ordre d'importance, hein, ce que les théoriciennes noires ont appelé l'État anti-État. C'est-à-dire quand l'État lui-même, on le voit beaucoup en Occident aujourd'hui, notamment en France, quand l'État lui-même prend la responsabilité de détruire tous les services qui ont été mis en place grâce aux luttes, ou toutes les lois sociales qui quand même ont été obtenues grâce aux luttes. Dans la santé, dans l'éducation, dans le logement, dans les lois sur de protection sociale. Et on sait que ça va toucher plus particulièrement, plus durement les femmes. Et on voit aussi que beaucoup de féministes blanches bourgeoises ne s'intéressent pas à cela. Il est frappant, par exemple, en France, alors qu'on annonce une loi sur les retraites, on sait que les femmes seront plus durement touchées, puisqu'elles déjà elles touchent des retraites plus faibles. On ne voit pas du tout les féministes se mobiliser autour de cela. Donc on voit vraiment de quoi il est question dans ce féminisme. Donc je disais, le chômage les frappe aussi plus durement, les salaires sont toujours inférieurs à ceux des hommes. Et en fait, 75% des femmes dans le monde travaillent et ne sont pas payées. Je propose de donner ces chiffres parce qu'on les oublie un peu souvent, on parle souvent de manière générale. Elles constituent la majorité des travailleuses dans l'industrie du nettoyage, qui est toujours sous-payée et invisibilisée. Et en fait, au niveau mondial, contrairement à ce qu'on pense, 42% des femmes, c'est-à-dire ça est contre 6% des hommes, n'entrent pas sur ce qu'on appelle le marché du travail. Donc elles sont vraiment, c'est vraiment l'exploitation la plus forte. Dans la guerre qui leur est faite, elle est pas seulement d'ordre social, donc elle est vraiment, il y a des assauts de tous les côtés, elles seront plus touchées par les désastres climatiques, elles seront plus touchées par les guerres, elles seront plus touchées par le capitalisme racial. Donc qu'est-ce que nous nous en faisons de cela, puisque des féministes blanches bourgeoises peuvent tout à fait le dire. Un deuxième point, c'est le néolibéralisme qui fait de l'individualisme la condition même de la réalisation de soi. Et on devient l'entrepreneuse de soi-même. C'est vraiment, on fait de soi, de la femme, moi, je vais vraiment me réaliser. Le fondement d'une économie de la réputation et du bien-être. Alors on voit d'ailleurs le statut que donnent les likes, le rôle des influenceuses aujourd'hui. On a vu passer aussi qu'il y a des coachs décoloniales qui vont nous apprendre à être décoloniales, il y a un coaching décolonial, il y a tout cela. Tout ça est devenu une pratique émancipatrice. Et le récit de vie d'une femme noire ou d'une femme racisée doit être inspirant. Le côté inspirant. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est basé sur le fait, en fait, de surmonter des obstacles grâce à la résilience, n'est-ce pas ? Et dépolitisant et marginalisant, évidemment, tout ce qui sont les luttes. Donc, qu'est-ce que c'est ? Cet individualisme est très, très fort. On le voit, vraiment, il agit. Et la question de l'entreprise de soi a énormément séduit. Et énormément séduit dans nos communautés. Et vraiment, il y a vraiment des influenceuses noires racisées extrêmement... qui joue un rôle extrêmement important. Et cet individualisme, évidemment, sert le capitalisme et contribue à l'isolement et à la souffrance psychique. Et ce que disait aussi donc Olivier sur l'antiracisme libéral, à travers ça, il y a ce rôle de l'influenceuse, ce rôle de s'occuper simplement de la couleur des band-aids, des pansements, ou de la question des cheveux, ou de la question donc, de rentrer dans la méditation, une dépolitisation très, très, très forte. Et je le constate très, très souvent. Hein. Je le constate très souvent, il y a aussi des jeunes femmes, noires et racisées, musulmanes, voilées, qui sont là dans l'entreprise de soi, dans la question de l'entreprise de soi. Et c'est une alternative féministe qui est proposée. Une des idoles est Michelle Obama, par exemple, qui propose, évidemment, tous ses livres sont d'énormes succès, et qui propose justement cette question de l'épanouissement dans la famille, l'épanouissement de soi. Donc c'est un vrai danger pour nous d'attaquer cela. Et aussi la question de la souffrance mentale, dont on voit, on en parle beaucoup, et on sait depuis Fanon que racisme et colonialisme, et bon, on ajoute le sexisme, produisent de la souffrance psychique. Et que le Fanon psychiatre n'a jamais minimisé cette dimension. Il a insisté d'ailleurs sur l'importance de développer des formes de cure, de soins qui seraient antiracistes et décoloniales. Et on constate à lire ces notes, quand on lit les notes, les références en peau noire, masque blanc, l'importance de la théorie lacanienne, hein, psychanalytique lacanienne, ou même la théorie de German Gates sur le syndrome d'abandon qui est très très fortement présente en peau noire, masque blanc. Et depuis en fait ces travaux de Fanon, très très peu de travaux ont répondu à cette question de la souffrance psychique, de ce que le racisme produit et de ce que serait donc justement une psychiatrie ou une psychanalyse décoloniale, si on veut rester fanonienne. On n'a pas, en fait, c'est des pratiques, ce qui a remplacé cela, la proposition, l'invitation de Fanon à comprendre comment ça se passait, c'est maintenant, aujourd'hui, les pratiques de self-help, hein, et que je disais, de méditation, de psychologie compartimentaliste, dont la complicité avec le capitalisme n'a plus besoin d'être démontrée. Et ces pratiques sont, je le disais, sont particulièrement adoptées par des féministes non blanches. Hein. Donc c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et c'est de la même manière, c'est un petit peu relié à ce que Olivier disait sur la question de la représentation de la visibilité, mais c'est beaucoup plus profond parce que c'est de s'attendre d'être une réponse à un certain mal-être, à se sentir pas reconnu, pas complètement prise dans sa dignité, mais ça se répond par l'individualisme et par ces méthodes de psychologisation des questions. L'antiracisme néolibéral, bon, Olivier en parlait, et on sait pourquoi sous Nixon, il y a eu l'encouragement de l'émergence du capitalisme noir. Il fallait affaiblir les mouvements de libération noire, les Black Panther Party, mais aussi d'autres mouvements. Il fallait vraiment, vraiment les affaiblir. Donc émergence, facilitation de l'accès au crédit, aux banques, et émergence d'une plus que d'une bourgeoisie, même d'une classe capitalistique noire. Et qui, en fait, a joué un rôle très important, qui n'a amélioré en aucun cas les conditions de vie des Noirs pauvres, aucun, mais qui joue un rôle très, très important, parce que, en fait, il soutient l'impérialisme et le capitalisme, il soutient les interventions impérialistes des États-Unis, il est partisan d'une politique de la respectabilité, il est très souvent à soutenir la colonisation de la Palestine et à adopter, à être pour l'État d'Israël, par exemple, l'actuel... représentant démocrate au Congrès, là, celui qui va diriger les démocrates, est absolument très profondément partisan d'Israël et de la colonisation de la Palestine. Donc on voit que ça va plus loin que la question simplement de la représentation. C'est vraiment des personnes qui sont au service de la propriété privée, des règles du marché et du capitalisme et de l'impérialisme. Alors en Europe, cette intégration a été plus tardive, mais elle se développe. Elle se développe de plus en plus, on le voit. Et malgré tout, ce qui aussi contre lequel on a lutté, c'est que l'attente que cela provoque, malgré tout, l'idée que cette personne va malgré tout quand même être plus attentive aux demandes de sa communauté, noire, racisée, musulmane, ce qui n'en est évidemment aucun cas, ou même si elle y répond, ça sera une réponse pour plus d'intégration et plus d'assimilation. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. C'est pas simplement le féminisme civilisationnel sous la colonie, hein, la fameuse dévoilement des femmes. Ça va encore plus loin. Hein. C'est vraiment plus loin. C'est beaucoup plus organisé. C'est beaucoup plus soutenu financièrement. Beaucoup plus. Il y a d'énormes subventions. Hein. Et dans les gouvernements en Europe, les gouvernements subventionnent des programmes civilisateurs féministes qui visent les femmes racisées plus particulièrement. Et on devrait se souvenir de ce qui s'est passé, par exemple, en France, avec la création de Ni pute ni soumise et le rôle que ça a joué dans cette question de pacification des luttes féministes. Il s'agit surtout d'effacer la mémoire des luttes, la manière dont les femmes noires, racisées et musulmanes ont participé dans les luttes anticoloniales et anti-impérialistes. Il faut faire des luttes de femmes, des luttes contre la domination masculine. Il faut faire oublier qu'elles ont participé profondément à leur manière, à ces luttes. Et de fait, dans cette question donc de l'antiracisme libéral, il y a aussi ce côté de « c'est mieux que rien » qui devient une politique. Le « c'est mieux que rien », c'est quand même mieux que rien. Et ça, il faut combattre, il n'y a pas de raison que le rien soit mieux. Nous devons exiger plus que le rien. Nous avons droit à plus que le rien. Le rien, c'est du rien. Le mot le dit. L'instrumentalisation aussi, on peut le voir aussi, même on le voit, donne un certain vocabulaire anticolonialiste et anti-impérialiste pour mener des politiques conservatrices. Même dans le sud global, il y a des élites très riches qui réclament leur part dans la gestion du monde, et à juste titre d'ailleurs, il n'y a absolument pas de raison qu'elle n'ait pas leur part. mais elles veulent aussi prendre leur revanche sur un Occident qui a toujours été méprisant et raciste. Elles ont très bien compris le rôle de l'orientalisme et de la négrophobie dans les questions internationales, et donc elles veulent absolument avoir leur place. Donc la question pour nous, c'est pas de dire que c'est absolument pas surprenant, et il n'y a rien de scandaleux là-dessus. Et le déclin des hégémonies occidentales ne devrait pas être un sujet de lamentation, bien sûr. Et après tout, parfois, on peut avoir une satisfaction à voir des dirigeants occidentaux à genoux et se comporter comme des mendiants devant eux. Ça peut être un sujet de satisfaction. Mais dans la guerre menée contre les femmes, cette question de redistribution des pouvoirs et des forces est extrêmement aussi importante à comprendre. Comment les conservatismes sont rejoués, sont réenactés sous le principe, sous le genre, en adoptant un vocabulaire soi-disant anticolonial contre les déclins de l'Occident. Donc pour nous, notre tâche est vraiment d'analyser ça beaucoup plus fermement, et surtout de ne pas se laisser aller, de vous comprendre comment ces glissements. Et que l'ennemi, la question des guerres, de la guerre contre les femmes, elle ne cessera pas, elle ne va pas cesser, parce que en fait, la question de diviser les femmes, de montrer les femmes contre leur communauté ou d'utiliser les femmes est extrêmement importante. Et je l'ai dit, les femmes ne sont pas une classe. Donc il y a des divisions à l'intérieur de celles qu'on appelle les femmes. Et dans un contexte, dans ce contexte de féminisme civilisationnel qui est extrêmement fort aujourd'hui, qui est beaucoup plus soutenu que sous le temps des colonies, reçoit des subventions, est une politique étatique. On le voit dans tous les rassemblements, dans le G20, dans ça, la question, tout d'un coup, tout le monde est pour les droits des femmes, enfin tous les dirigeants capitalistes et de pays impérialistes. Donc les droits des femmes sont devenus l'étendard de cette nouvelle offensive, et en même temps, la question, par exemple, de culturalisme, d'un ethno-nationalisme, où les femmes seraient vues autrement, donc des deux côtés. Alors à ça, les luttes féministes antiracistes et anticapitalistes, les luttes décoloniales répondent par des grèves, par le mouvement abolitionniste, le mouvement de justice environnementale, de justice reproductive, et contre les violences sexuelles, mais qu'elles n'analysent pas du tout comme exclusivement le résultat de la domination masculine, mais comme le symptôme de l'état de guerre permanente. La guerre permanente qui est menée fait qu'effectivement, il va y avoir des violences sexuelles. Toute la structure de la société, la structure du monde des affaires fait qu'il y aura des violences sexuelles. Donc on ne va pas évidemment prendre un homme l'un après l'autre et l'envoyer en prison pour que ça change quelque chose. Il y aura la pauvreté, l'accroissement de la pauvreté, l'accroissement des guerres fait qu'il y a plus de violence. Je veux dire, les études le montrent, c'est pas en dehors. Donc on le voit avec l'accroissement de cette guerre systématique, de cette violence systémique, il y aura plus de violence contre les femmes. Donc un féminisme décolonial doit aspirer à la libération de toute la société et pas simplement de la classe femme, si tant est que ça existe. Et il doit critiquer cet individualisme bourgeois, cette proposition de l'entreprise de soi comme la solution, comme une forme d'émancipation, mais surtout aujourd'hui travailler à ce que serait un nouvel internationalisme. On en parlera sans doute demain dans les questions sur la périphérie, mais cette question de nouvel internationalisme est pour moi, enfin, je pense aussi pour d'autres, extrêmement centrale, et extrêmement centrale dans la question des luttes des femmes. Les luttes des femmes ne peuvent pas être nationalisées. Elles doivent constamment se poser sur un plan international. Sinon, évidemment, on est dans le fémonationalisme ou dans d'autres formes de lutte de femmes, mais cette aspiration, ce travail de ce que serait ce nouvel internationalisme, particulièrement aujourd'hui, où nous en parlons, où cet état de guerre permanente s'étend et que cet état de guerre ne se limite pas à la question des tanks et des bombes et des bombardements, mais à la question environnementale, à la question des violences, à la question de l'exploitation, de l'extraction continuelle. Et de ce féminisme civilisationnel qui prend de plus en plus de forme et qui intervient dans le sud global, où d'ailleurs des gouvernements complices ont tout à fait compris comment il fallait aussi, eux, présenter des femmes comme représentant la nation. Donc on est dans un moment un peu plus différent d'il y a 20 ans, où il y avait quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, on voit, et on l'a vu même en Europe, où finalement une femme est à la tête de l'Italie comme premier ministre. féministe et vient d'un parti fasciste. On le voit aussi dans d'autres gouvernements en Europe où ce sont des femmes venues de partis fascistes, profondément racistes, menant des politiques contre les réfugiés, menant des politiques aussi contre la justice reproductive, arriver au pouvoir et se présenter comme féministe et comme femme. Aujourd'hui, ce féminisme est un des ennemis des antiracistes politiques. C'est un de nos ennemis. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. D'abord dire que je suis très content en tant que Bruxelles Panther d'être co-organisateur de ce deuxième Grand Donc du Nord et de l'héberger ici à Bruxelles. Alors moi j'ai le thème la guerre aux Arabes. Avant de passer à la guerre aux Arabes au sens strict et dans quelques détails, je vais. Comme on reçoit ici à Bruxelles, j'aimerais parler un peu de d'où on parle, où on est en Belgique et les conséquences que ça a sur la vision du monde qu'on a et la vision du présent qu'on a. Alors nous sommes en Belgique, un pays avec un passé colonial, un pays avec un présent colonial. Un pays membre fondateur de l'ONU, dont le premier secrétaire général était belge. Un pays membre fondateur de l'Union européenne. Un pays membre fondateur de l'OTAN, un pays membre fondateur et permanent du Club de Paris, etc. Un pays impérialiste. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la Belgique, centre du pouvoir de l'Union européenne, siège de l'OTAN et musée colonial en plein air. Pour se faire une idée de la quantité de pouvoir présente dans cette ville, il faut avoir à l'esprit qu'il y prolifère plus de lobbyistes qu'à Washington, rien qu'auprès de l'Union européenne. Vous avez sûrement entendu parler de ces fameux lobbyistes ces derniers jours grâce au Qatar et au Maroc. La place qu'occupe ce pays et sa capitale dans le concert des nations est totalement disproportionnée au regard de ses caractéristiques géographiques, démographiques et ethnographiques, si je peux me permettre. 30 000 km², 11 millions d'habitants, 3 communautés linguistiques et culturelles. En tout cas, 3 qui sont légitimes. Cette place... Elle la doit en partie au rôle qui lui a été assigné à sa création, état tampon entre les grandes puissances autour d'elle, ce qui lui procure mécaniquement une position carrefour entre ces grandes puissances. Mais cette place dans le concert des nations, elle la doit surtout à la colonisation, au pillage, au parasitage, passé et présent, du Congo, un pays d'une superficie de plus de 2 400 000 km², 80 fois la surface de la Belgique. Les quantités de richesses dérobées au Congo et accumulées en métropole lui ont permis de se l'offrir, cette place. Elle utilise bien entendu cette position au mieux de ses intérêts et de ceux de son camp, le camp impérialiste. Cette place, la Belgique, la doit à son passé colonial et à son présent impérialiste. Cette place n'empêche cependant pas la Belgique d'être l'un des pays, donc qu'elle doit au Congo, d'être l'un des pays au racisme anti-noir le plus profondément enraciné et le plus répandu. Cette histoire coloniale belge au Congo, débutée à la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui symbolisée par un objet connu de tous les Belges, je pense, et de beaucoup d'autres dans le monde. C'est la statue d'un immense cheval avec un énorme Léopold II, le chevauchant. Et il regarde vers le siège, vers le quartier général d'une grande banque. Même mort, on ne se refait pas. La statue est place du trône, ici à Bruxelles. En vis-à-vis de cette statue, de l'autre côté du Palais Royal, qui est très grand, Palais Royal, se trouve une autre statue, sur la place Royale. Moins célèbre ces temps-ci que la première, mais néanmoins lourde de sens, pour mon thème, la guerre aux Arabes. C'est la statue de Godefroy de Bouillon, acteur de la première croisade qui finira roi de Jérusalem après avoir, paraît-il, aussi les musulmans par la lame, et brûler les juifs dans les synagogues. Nous sommes donc ici, sur une terre d'où des gens sont partis il y a bientôt 1000 ans pour faire la guerre aux Arabes, déjà, pour prendre Jérusalem, déjà. Ces gens sont aujourd'hui considérés par nombre de souchiens comme étant la souche à laquelle ils se réfèrent. Je vais maintenant sortir un peu de Belgique avant d'y revenir plus tard. Je vais rapidement parcourir quelques épisodes importants de cette guerre millénaire que l'Occident mène aux Arabes. Je ne vais pas parler des autres croisades et passer directement à 1492, comme ça tout le monde comprend. Chute de Grenade. Une fois de plus, juifs et musulmans sont massivement tués ou expulsés. Cette chute de Grenade participera par ailleurs à l'ouverture de la possibilité pour Colomb d'aller soi-disant découvrir le continent américain et entamer une période décisive dans l'histoire de l'humanité dont les effets sont toujours présents aujourd'hui. Une période de domination, d'abord européenne et puis blanche, du monde. Je vais directement aller un peu plus loin pour survoler la période de colonisation formelle des Arabes. Elle se fait bien sûr par la guerre, par l'occupation territoriale, par le peuplement parfois massif, par le contrôle et le pillage des richesses, par l'exploitation des populations indigènes, par les partages de territoires entre empires, le traçage de frontières totalement arbitraires, ne respectant évidemment absolument pas ni les populations ni les réalités locales, l'imposition d'un système étatique, entre autres administratif, calqué sur les modèles de métropole, etc. La guerre, elle se fait aussi par une orientalisation de tout ce qui est arabe. Un processus savamment et brillamment disséqué, exposé par Edouard Saïd, et que je ne vais pas détailler ici, mais qui donne aux Arabes des caractéristiques bien connues, menteurs, voleurs, fourbes, fainéants, et beaucoup d'autres. Un processus, en fait, qui consiste à déshumaniser l'arabe, dont l'objectif est de le classer et de le maintenir à un niveau inférieur à celui du blanc dans l'échelle raciale. Ce monde arabe, alors que ses composantes, transformées par la période coloniale, reprenaient peu à peu leurs indépendances tout aussi formelles, les Arabes se sont vus et se voient toujours imposer la présence d'une colonie de souche européenne en Palestine, Israël. Michel en a beaucoup parlé aujourd'hui et brillamment. On a aussi évoqué hier la soirée d'ouverture de ce Bandung du Nord, avec la diffusion d'un film et puis une conférence, débat, discussion d'un très haut niveau et très intéressant. L'occupation de la Palestine est une guerre à tous les Arabes, sans être une guerre contre tous les Arabes, parce que ça, ce serait plus compliqué. L'occupation de la Palestine, comme lors de la première croisade et lors de la chute de Grenade, fait plus de victimes que les seuls Arabes musulmans. Les Arabes juifs, attirés ou déportés par Israël, et ont perdu et ils perdent leur arabité. Les Arabes chrétiens en paient le prix en Palestine et ailleurs. Les Juifs d'Europe en paient le prix aussi. Israël est un poste avancé en terre arabe et je n'ai jamais entendu un Belge ou un Français, aussi philosémite soit-il, dire à un Juif de ne pas aller en Palestine si celui-ci décide de s'y rendre pour s'y installer, en lui disant simplement « Mais non, tu es Belge, tu es Français, reste là ». Un philosémite, c'est quelqu'un qui aime bien les Juifs, de préférence en Palestine. Depuis, le monde arabe s'est vu faire la guerre un nombre incalculable de fois. Liban déchiré en lambeaux, Irak détruite deux fois, Syrie détruite, Libye détruite, Yémen détruit, Palestine occupée et soumise à un nettoyage ethnique, Soudan coupé en deux, et continue encore à dessiner des frontières. La guerre aux Arabes est une tradition occidentale séculaire, une espèce de folklore peut-être. La guerre aux Arabes vient aussi des dirigeants arabes eux-mêmes, dirigeants qui font la guerre à leur peuple en les silençant d'un côté et ou en fricotant avec le régime sioniste de l'autre. Dirigeants arabes en Afrique du Nord plus spécifiquement qui se rendent complices des politiques sécuritaires meurtrières de Frontex. Frontex qui est l'agence de l'Union européenne la mieux financée parmi toutes les agences. Et qui provoque, Frontex, qui provoque des dizaines de milliers de morts, en fait, on ne sait pas, mais c'est innombrables morts chaque année. Et laisse des centaines de milliers d'autres, arabes ou pas, dans la clandestinité, souvent la misère, toujours le racisme. Ces complicités sont aussi des actes de guerre envers la quasi-totalité des populations arabes, celles qui vivent sous ces dirigeants en Afrique du Nord, comme celles qui vivent ici, dans le Nord. Je vais conclure sur une page, mais je vais revenir à la Belgique. En Belgique, on n'arrête pas non plus de faire la guerre aux Arabes de Belgique en l'occurrence. marocains, maghrébins, nord-africains, musulmans, binationales, islamistes, terroristes, habitants des quartiers populaires, etc. Classés selon l'époque et le besoin, mais toujours identifiés arabes, toujours maintenus à un échelon inférieur. En Belgique, on fait la guerre aux Arabes à l'école, à l'université, quand on peut y arriver, à l'emploi, au syndicat, au logement, au loisir, tous les classiques que tout le monde connaît. En Belgique, surtout dans la partie francophone, on fait la guerre aux femmes voilées, la plupart arabes. On fait la guerre aux militants antiracistes identifiés comme arabes, pour avoir voulu dénoncer le phénomène de la négrophobie en Belgique, et dans son folklore en particulier, en envoyant 2 emails parfaitement pacifiques à un dirigeant politique et à son conseil communal, Nordine Saïdi, membre de Bruxelles Panther, et son organisation, ont été criminalisés dans les médias, et il a fini devant un tribunal correctionnel en étant accusé de menaces et de harcèlement, et ce, dans un contexte terroriste, circonstance évidemment aggravante, et qui n'apparaît que parce qu'il s'appelle Nordine. En Belgique comme en France, la police contrôle 20 fois plus les Arabes que la population générale. Je vais dire population générale pour ne pas dire blanc, mais je dis quand même blanc. On contrôle systématiquement leur autorisation à être des êtres humains vivants se trouvant dans l'espace public. En fait, on maintient l'ordre racial. On rappelle qu'à certains échelons, il s'agit de prouver son droit à être simplement présent en permanence. Ces contrôles provoquent des humiliations, des violences et trop souvent des morts. Normal, c'est la guerre. Des morts qui, elles aussi, d'une certaine manière, disparaissent. Elles n'ont en effet quasiment jamais de suite judiciaire. Par contre, quand il s'agit de juger des Arabes, la justice est plus zélée. En Belgique, les Marocains, ça c'est des études, je ne vais pas faire du name dropping, mais c'est des études de Fabienne Brion, très grande criminologue et qui est islamologue aussi par ailleurs. En Belgique, les Marocains, au sens large, âgés de 20 à 29 ans, ont 20 fois plus de chances, de probabilité de connaître la prison que la population générale. On peut aussi faire toute sa peine de prison et puis être livré aux États-Unis sans jugement, sans plus de procédure, comme l'a subi le belgo-tunisien Nizar Travesti, et qui a disparu, qu'on ne verra sans doute jamais. On voit qu'on part de 20 fois plus de contrôles, on arrive à 20 fois plus de condamnations, il y a une certaine logique. Ces contrôles, pour Bruxelles Panther, devraient être tout simplement bannis, comme ils le sont dans beaucoup de pays dans le monde, en fait dans la plupart. Ces contrôles, on les hérite de la période d'occupation allemande. Enfin, la Belgique les hérite de la période de l'occupation allemande, et nous, on les subit, de génération en génération. Les humiliations et les violences que ces contrôles provoquent sont des atteintes à la dignité et aux droits les plus fondamentaux de tout être humain. Les Arabes ont aussi droit à l'état de droit, si ça en est effectivement un. En Belgique, on prive aussi les Arabes du droit d'association, lui aussi fondamental. Le plan Canal, dans un projet de déradicalisation après les attentats, s'est mené à coup de perquisitions, que ce soit d'individus ou d'organisations, entraînant des fermetures par dizaines, des arrestations, des expulsions, etc. C'est un régime d'exception instauré sur une zone géographique limitée, pleine de quartiers populaires. À Bruxelles, depuis le milieu des années 90, on fait la guerre aux Arabes de génération en génération en mettant en place d'autres dispositifs particuliers à certains territoires. Les contrats de sécurité, plus de police, plus de technosurveillance, plus de travailleurs socio-sécuritaires. Des contrôles différents, mais des contrôles tout de même. En Belgique, les Arabes n'ont pas le droit de faire la fête. Les Marocains se sont vus interdire à certains endroits le droit de manifester leur liberté, leur joie, leur fierté, et ce, collectivement et en masse. Ça provoque une phobie, au sens premier, gratuite, presque millénaire. Les endroits les plus perturbés, après les matchs du Maroc, sont les endroits où il y avait le plus de policiers. Policiers qui ne font qu'obéir aux ordres. Des ordres qui sont visiblement de systématiquement nassés, gazés, tapés, et dernièrement, une nouvelle mode, leurs chiens mordent de plus en plus. Les violences policières ont explosé après le match entre le Maroc et la France, et on fait encore le constat des dégâts. Voilà, n'ayant que 10 minutes, je vais en rester là. C'est déjà beaucoup de boulot pour les intervenants de demain qui doivent nous esquisser des voies de sortie de cette situation. Juste passer un message très court à la population générale. Nous sommes l'or noir au pays de Tintin. Et on reste.